Yeah. Ok. A Enire Kem, Alma One, sur une prod à Morgan. Écoute, je vais te parler de mon quotidien. Les chimios, les analyses et les infirmières aux petits soins. Du padre. Écoute. Yeah. T'as beau être bien accompagné, tu finis seul face aux emmerdes. Et ça, je l'ai compris quand mon emblème m'annonçait son cancer. Les gars, le truc est paro, à la dard, ça tombe par on man. La vie du taron, la maladie l'a mise derrière les barreaux. La pluie ruisselle sur mes carreaux, faut que je trouve les mots tout d'abord. Bah, je demande pardon pour mes fautes, ma peine est condensée. Ou plutôt noyée par un quotidien. Les chimios, les analyses et les infirmières aux petits soins du padre. J'ai du mal à cacher mes blessures le soir, car c'est dur de voir son avenir difficile à cadrer. J'ai vu ternir, se dégrader, ça me perturbe. Mais avant que je n'exulte, je respire, lève la tête. Et même si ça m'exaspère, je dois d'être mal sans que l'homme juge vite. Je laisse le poids de mes faces sur la balance de l'injustice. Qu'est-ce que tu crois, je reste là à attendre que son destin se calme. J'appréhende quand les médecins parlent car les résultats fustigent. Et grand camp, entrant dans ma chambre et qu'en y pensant, je prends ma plume, les larmes aux yeux, le menton tremblant. Nier la réalité, c'est tentant. Du mal à réaliser le fait que mon père ne verra peut-être jamais mes enfants. Étrangement, quand ces doutes-là me nuisent, m'amènent, je m'échappe. La nuit j'écris, je m'évade et je fuis l'arrière. Goût amer que ça me laisse, même dans la muise. Dans mes sourds, je puise pour que l'espoir ne s'amenuise jamais. Pour que l'espoir ne s'amenuise jamais. Que l'espoir ne s'amenuise jamais. Je puise dans mes sources. Pour que l'espoir ne s'amenuise jamais. Pour que l'espoir ne s'amenuise jamais. Ouais.